Voici votre bulletin régional. Souper de fèves au lard et jambon le 10 mars à 17h30 à la salle des Chevaliers de Colomb Distinguis. Deuxième clinique Impo, offerte gratuitement par le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, à Weedon le 11 mars, de 9h à midi et de 13 à 16h, au Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, 209 des Érables, local 314. Deuxième clinique également à Sawyerville le même jour, de 13 à 16h et de 18 à 20h, à la salle communautaire de Sawyerville, 6 Richurch. Aussi, deuxième clinique Impo à Cookshire le 12 mars, de 9h à midi, au Centre d'action bénévole, 57 Craig Nord, au local du journal. Et également à Skestown, de 9h à midi et de 13 à 16h, au bureau municipal, 101 Victoria West. Les citoyens sont invités à venir porter leurs documents, qu'ils récupéreront le 19. À Istinguis, le 12 mars, financement Handball. Barrage routier entre 16h30 et 18h30, à l'intersection des rues Angus Nord, Saint-Jacques et Saint-Pierre.